On allez, on finit comme ça. Maïso. Mais oui, Clef. Côté. Côté Elisabeth fâchée. Il n'est jamais pas fâché. Il dit c'est pas où que l'il voulait. C'est le mec d'être un lapin. Il dit c'est pas bon, il y a un lapin. Il remet dreadlocks, yo. Pour lui capable de danser. Il remet genoux mixés. Est-ce que pareil? Oui. Est-ce que nous chauffer? Oui. Si nous chauffer. On va direct, direct, direct. Nous mixer avec nous, si reggae, reggae, reggae. Nous mettez un petit hip hop sous l'île. Les mêmes si nous représentons pour Haïti. Encore, encore. On va direct, direct, direct. Nous mixer avec nous, si jago. Gaga, reggae, reggae, gaga, go, go. Gaga, go, go. C'est pas parce que bon n'a pas c'est bon pas n'a pas

pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser, pousser. Nous même fois mes amis, Madame Jazla, Ménage Jazla, quel que soit où c'est, au monde qui a fini à Jazla, ma salut à Zoya. Je vous remercie pour le support pour nous. Merci Fanatic. Merci tout le monde qui a travaillé avec nous à Zoya là. Fanatic Device, Jazla, wow, wow. I saw the world. I saw the world. I saw the world. Motel, motel, motel, motel. Poussel, poussel, poussel, poussel. Motel, motel, motel, motel. Poussel, poussel, poussel, poussel. Thank you, thank you, tout staff là, tout le monde net, tout le monde qui participe, tout le monde qui bat l'argent, tout le monde qui sponsorise, fanatique qui supporte, madame qui quitte nous à la répétition.